car j'ai la gaule, la barre est haute. Mes rimes ce n'est pas du Baudelaire. Elles sont crues, bourrées de faute et de ta, nique ta mère. J'écris à l'angle de mes artères des vers de sang que je prolifère. Même si je suis incapable de me taire, y'a qu'un Broly qui peut me le faire. Comment me définir, je suis la balle, j'aurais pas raté Chirac. J'habite en face de Pierre Tombal, celle des élèves de la Starac. Punchline et sombritude, l'au-delà m'a donné de la force. Mon level prend de l'amplitude, on dirait que je rappe en bord. Sur les ondes microphoniques, je dois faire du sale, y'a pas d'issue. Et vu que mon rap c'est du classique, tu l'écouteras dans le turfu. Si t'entends que le son écrase, c'est que le master sort de la cave. Bienvenue dans la street parade, mais sans le défilé de crabe. Genre le CD que t'attendais pas, j'avoue que moi-même il m'a choqué. Je prends l'industrie à quatre pas, son bassin s'est disloqué. Va faire la queue devant ta Fnac, même si pour l'heure tu me connais pas. Comme il est zim, sera dans les bacs, plus tard tu diras que t'étais là. Sale poésie, on fait de la sale poésie. Y'aura pas de cohésion avec ta pâle copie. On rentre en collision, tu feras des saltos ici. Pour faire bouger la salle, faut faire du sale copie. Non, y'a pas de son commerciaux, ne voit crier le chant du Uzi. Trop cramé pour les radios, on sucera jamais l'industrie. Encore un putain de morceau, que tu verrais pas de fantaisie. Atomique, c'est ça, on fait de la sale poésie. Tu connais le règlement, dégaine un flow dégueulant. Dégueulant sur la prod, j'ai violent. Combien sont partis, j'ai pas vu de revenants. On se tue pour des mecs revenus, du rire aux larmes. Des rêves ensanglantés depuis enfant. TMC, j'ai un asile en poésie. T'as l'asile, la rue est à l'asile. Rap de test, à l'audimat en chute. Écraser la plume et tenu par des putes. On fera pas de hit avec la dalle d'un pit. Là où j'habite, là où le diable s'abrite. J'écris mes vers avec le cerveau à l'envers. La merde c'est à long terme. Et y'a que de l'ombre dans ma lanterne. Des malentendus, alors dans le malentend. Les mains en tremble, pourtant ça fait bien longtemps qu'on est dedans. C'est pour les braves que les drames enterrent. À cœur en pierre, je veux briller comme un diamantaire. Sale poésie, on fait de la sale poésie. Y'aura pas de cohésion avec ta pâle copie. On rentre en collision, tu feras des saltos ici. Pour faire bouger la salle, faut faire du sale copie. Non, y'a pas de son commerciaux, ne voit crier le chant du Uzi. Trop cramé pour les radios, on sucera jamais l'industrie. Encore un putain de morceau, que tu verrais pas de fantaisie. Atomique, c'est ça, on fait de la sale poésie. Sale poésie, sale. Programmé pour l'industrie. 6-8-9-4. Sale poésie, on fait de la sale poésie. Y'aura pas de cohésion avec ta pâle copie. On rentre en collision, tu feras des saltos ici. Pour faire bouger la salle, faut faire du sale copie. Non, y'a pas de son commerciaux, ne voit crier le chant du Uzi. Trop cramé pour les radios, on sucera jamais l'industrie. Encore un putain de morceau, que tu verrais pas de fantaisie. Atomique, c'est ça, on fait de la sale poésie.